Chapitre 13. L'incroyable récit de Jérémie. Orgès, 1258. Je n'ai pas cru un seul instant que je me retrouverais de l'autre côté, racontait Jérémie. Il y a eu cette lumière si intense, si éblouissante, et je me suis réveillée parmi des roseaux. Tout autour de moi, un marécage. La jeune personne de la grotte me tapotait doucement les joues en me secouant. Là, j'ai bien cru que j'étais devenu fou. Lorsque je me suis assis, j'ai découvert un minuscule village d'une douzaine de feux, enfin de masures. Je t'expliquerai ensuite. Elles étaient toutes faites de torchis et de paille, pauvres constructions de paysans si miséreux. Le froid était si mordant que je tremblais littéralement de la tête aux pieds. Elle m'aida à me relever et m'emmena dans une de ces maisonnettes, dont le faible feu de bois réchauffait à peine la grande et unique pièce. Une paillasse trônait dans un coin à même la terre battue. Je me demandais vraiment à cet instant si je n'avais pas perdu la raison. Je restai prostré pendant un long moment. Puis la jeune femme me tendit un bol de bois mal équarri qui contenait du lait de ses chèvres. Je le bus avidement et il me réconforta. Je lui posai ensuite des tas de questions, mais je voyais que je commençais à lui faire peur, alors je la questionnais plus en douceur. Elle s'appelait Clariane. En l'an de grâce, 1353, elle fut mise par son père sur la route de chasse de Gaston Phébus. Elle avait un joli minois qui ne laisserait certainement pas le lion des Pyrénées indifférent. Loin s'en fut, tu t'en doutes. Phébus en fit sa maîtresse, mais malencontreusement, elle fut dénigrée par une rivale. Cette dernière, avec l'aide de son frère, affirma à Phébus qu'elle le trompait honteusement. Phébus le crut. Il prit l'enfant de Clariane et l'emporta sur Orlu. Là, un couple de meuniers qui ne pouvait avoir d'enfant l'adopta. Clariane s'enfuit, mais Phébus la rattrapa. Il l'emmura dans la tour de l'Arger, du moins en bas de la tour, puisqu'elle était à peine à ses prémices de construction. Là, la malédiction que nous avions prit tout son sens, tu t'en souviens? Oh, que oui! Je t'ai assez cherché dans toutes les grottes des alentours sans succès, en commençant par la Spoulgas d'Orgex. Eh bien, cette malédiction a fait son office, et je suis heureux de l'avoir brisée, même si cela m'a coûté 25 ans de ma vie. Au moins, ma fille est en vie et sa descendance ne craint plus rien. Comment peux-tu être aussi certain de ce que tu avances? Attends, laisse-moi continuer. Lorsque j'ai suivi Clariane dans la grotte, nous sommes revenus en 1358. La malédiction était levée grâce à mon passage de l'autre côté de mon plein gré. Elle revivait. Elle en était à son 22e anniversaire. Cela lui fut étrange de revenir à cette vie. Elle ne comprenait pas comment c'était possible, et moi non plus d'ailleurs. Mais je t'avoue que je m'en moquais un peu. Je voulais retourner à la grotte, mais elle avait disparu. Plus rien, aucune cavité. J'étais donc résolu à rester et à faire de mon mieux pour aider cette pauvre enfant. Son père avait disparu lui aussi. Tout le village l'avait chassé lorsqu'ils avaient découvert le sort qu'il avait réservé à sa fille. Elle avait soigné les bêtes qu'il leur restait, une poignée de chèvres malingres, et la pauvre masure lui revint en héritage. Je me fis passer pour un oncle vivant à Foix, mire de mon état. Petit aparté. Au Moyen-Âge, un mire est un docteur, c'est-à-dire un simple médecin, ou un chirurgien, appelé physicien, un docteur en médecine, terme usité jusqu'à la Renaissance, ou encore apothicaire. On appelait indistinctement mire ceux qui exerçaient ces trois professions. La première année fut terrible. Nous souffrîmes de la famine et d'un froid intense. Cependant, peu à peu, les villageois commencèrent à faire appel à moi pour les soigner et j'acquis une belle réputation. Heureusement que je me traînais partout avec mon nécessaire de chirurgie. Personne parmi ces pauvres hères ne comprirent pas qu'ils étaient faits d'acier et les manches en loupe d'orme. Tu as, pendant toutes ces années, fait de la médecine? Et le moyen de faire autrement, mon ami? Il fallait survivre. Moi qui aimais tant cette période moyenâgeuse, je retire tout ce que j'ai pu en penser. Lorsque l'on a connu la modernité et le confort, retourner à une vie aussi précaire et dure est une sorte d'exploit pour s'en sortir indemne, crois-moi sur parole. Jérémy fatiguait de plus en plus vite. Il s'essoufflait et Fred dut l'arrêter un moment. Tu vas manger un peu, cela te redonnera des forces. Je n'ai plus beaucoup de temps, mon ami. Souviens-toi de ce carnet, tout y est relaté. Mais quand je partirai, je t'en supplie, ne préviens pas, amour. Elle a dû faire son deuil depuis si longtemps. Inutile de lui instiguer tant de mal. Je veux ta promesse, Fred. Entendu. Je suis d'ailleurs d'accord avec toi. Elle a beaucoup souffert de ta disparition, alors désormais qu'elle est passée à autre chose, il ne faut pas revenir en arrière. Mais je ne sais trop ce que je vais pouvoir raconter au médecin lorsque... Dis-lui tout simplement la vérité, que tu m'as trouvé sur ta route, que tu m'as ramené chez toi, c'est tout. Il faut que je continue, ou il sera trop tard. Non, mange d'abord, et ensuite il te faudra dormir un peu. Ils mangèrent en silence, et Fred voyait son ami faire des efforts considérables pour se tenir à table. Lorsqu'il eut terminé la soupe de pois et de lard, Fred l'emmena dans la chambre et le coucha. Il s'endormit aussitôt. Il commença à distinguer dans sa chevelure quelques mèches blanches, et sur son visage des rides plus marquées que lorsqu'il l'avait ramenée. Allait-il vieillir en accéléré? Il en avait peur, oui, c'était probable. Il regarda un instant son vieil ami endormi paisiblement, puis il revint lentement vers la cuisine. Il approcha son fauteuil près de l'âtre et, bien au chaud, se servit un petit verre d'eau-de-vie. Il se pencha enfin, prit le carnet de Moleskine noir et entreprit de découvrir les péripéties de son meilleur ami. Il y avait inscrit depuis le début tout ce qui était arrivé, mais et surtout, il avait fait des croquis, des dessins. Impressionné, Fred le feuilleta jusqu'au bout. Ce qu'il en vit lui donna la chair de poule. Comment avait-il pu survivre à tout cela? Lui qui n'avait connu que la douce vie d'une grande ville, le confort et tout ce qui s'y rattachait, c'était vraiment un exploit. Il commença à lire les premières pages et comprit que ce que lui avait déjà relaté son ami était bien peu de choses par rapport à tout ce qu'il y avait encore à découvrir. Aurait-il le temps d'aller jusqu'au bout de son captivant récit ou alors s'en irait-il avant? Il vaudrait peut-être mieux qu'il en lise le plus possible et que Jérémy reprenne où il se serait arrêté. Il se cala confortablement dans son fauteuil lorsqu'il entendit un gémissement. Il accourut dans la chambre et ne vit plus qu'un vieil homme comme lui qui voulait se lever. Stupéfait, il resta un bref instant muet. Attends, je vais t'aider. Que veux-tu donc? Les toilettes, murmura son ami. Il l'emmena jusqu'à la minuscule salle de bain et attendit. À ce qu'il vit, Jérémy vieillissait de plus en plus rapidement. Il lui ressemblerait bientôt. Allait-il s'arrêter là ou bien? Il n'eut le temps d'y songer davantage. Lorsqu'il ressortit, son ami lui asséna. Il faut que je continue à te raconter ou dans quelques heures il sera trop tard. J'ai commencé à lire ton carnet, alors retourne dormir encore un peu et tu reprendras là où je me serai arrêté. Il le reconduisit à la chambre et le recoucha avec des gestes doux et réconfortants. Cela lui brisait le cœur de le voir s'étioler si rapidement, sans qu'il ne pût rien faire pour l'en empêcher. Il reprit néanmoins son récit, fasciné qu'il était de ce changement d'époque. Suite du récit de Jérémie. À Orlu, il y avait dans ces années-là une vingtaine de feux, à dire une vingtaine de foyers dont le seigneur ponctionnait le fouage, ou l'impôt, si tu veux. À Orgès, ou Orgex désormais, il n'y en avait que 10. 1 sur 10 était exonéré, soit un notable, un religieux, ou bien un pauvre. Et tu t'en doutes, mon ami, que dans ce cas-là, c'était un pauvre. Clariane était la plus miséreuse, et cette première année fut terrible. Nous mourions littéralement de faim. Lorsqu'un beau matin de février où la neige recouvrait tout le paysage, Phébus vint à passer avec sa suite pour une chasse. Quelques heures plus tard, un sourd grondement nous fit sursauter, et bientôt des cris, des hurlements. Nous vîmes arriver à toute allure et bousculant tout sur leur passage la suite de ce cher Gaston. Le transportant sur une civière de fortune, ils s'arrêtèrent juste en face de notre misérable cahute. Toi, me dit un notable avec arrogance, tu es le mire? Oui, messire, répondis-je. Alors approche et vite. Notre seigneur Phébus a été pris dans une avalanche. Il a très mal à l'épaule et ne peut plus bouger. Fais quelque chose, séant. Je m'approchai lentement de la civière et, abasourdi, je vis que c'était bien Gaston Phébus qui s'y était installé. Il se tenait le bras et la souffrance qu'il endurait n'était pas feinte. Je le tâtais et de ce fait le fis gémir. Aussitôt un garde me bouscula à terre et fit un geste pour me battre. Lors, j'entendis sa voix, claire et impérieuse, donner l'ordre de ne pas m'occire et de me laisser continuer mon œuvre. Il me regarda et me fit signe de poursuivre ma besogne. J'aurai besoin de deux hommes forts, monseigneur, dis-je en le regardant. Explique pourquoi faire, répondit-il calmement. Votre épaule est démise, à dire que l'os s'est sorti de sa cavité. J'ai besoin de tirer fort dessus pour le remettre en place. Je comprends. Élip, j'aime, cria-t-il. Venez ici, séant. Il leur expliqua ce que j'attendais d'eux et ils se mirent en place. Cela peut s'avérer un insuccès au premier essai, seigneur. Dans ce cas, nous essaierons encore. Fais ton office, mire, et fais vite. Bien, monseigneur. Je me mis à la tâche et au deuxième essai, je remis en place son épaule. Aussitôt, il se releva de sa litière, fit jouer son bras et, dans un grand rire tonitruant, me donna une bonne bourrade. Je te veux au château, mire. Tu es le meilleur que j'aie jamais eu jusqu'à présent. Présente-toi dans une journée avec tes affaires, je t'attends. Il n'y avait pas à discuter. Malgré sa bonne humeur, c'était un ordre que j'avais reçu, et les ordres de Phébus ne se discutaient pas. Je passai la matinée à Orlu pour aider du mieux que je le pus les rescapés de l'avalanche. Celle-ci s'avérant moins meurtrière que la précédente, car on avait reconstruit plus haut dans le quartier dit le Couillé. Je revins sur les heures du midi et j'entrai dans la masure pour faire part de cette nouvelle vie qui m'attendait désormais, mais sans Clariane. Phébus ne l'aurait supportée en son château. Elle devrait rester ici et je lui enverrai de quoi vivre. Elle me supplia avant de retrouver son enfant. Elle voulait aller sur Orlu, mais seul le meunier l'aurait chassée. À présent que j'étais entré dans les bonnes grâces du seigneur Phébus, il ne renâclerait point à me la restituer. J'attendis quelques semaines d'avoir assis ma réputation, et un beau jour plein de soleil, j'enfourchai ma monture. Ah, j'ai oublié de te dire que Phébus voulait à tout prix que son mire sache monter à cheval. Je pris donc la direction d'Orlu et arrivai dans les eaux de 2 heures de l'après-midi. Le meunier charriait des sacs de farine destinés justement au château. Holà, meunier, dis-je d'une voix ferme. Le seigneur Phébus m'envoie reprendre l'enfanson qu'il vous a confié il y a de cela 5 années. Je dois l'emmener et le restituer à sa mère. Où est-elle? Mon Dieu, messire, mais sa mère est désormais ma femme. Elle l'a élevée, cette petite, et ne voudra la redonner à aucun prix. Soyez indulgent, mire, et laissez-lui un peu de temps. Je n'ai pas de temps, meunier, et je comprends que cela sera une déchirure, mais sa pauvre mère, elle aussi, en souffre, depuis bien longtemps, et ce n'était pas de sa coulpe. Va chercher l'enfant, maître meunier, que l'on en finisse avec cette triste histoire. Mon Hélène va se trouver bien mal, mire, et ce sera de votre faute, marmonna-t-il furieux. J'en prends la responsabilité, meunier. Je sortis de ma besace un petit pot, une poudre que j'avais concoctée avec du millepertuis, ainsi qu'une bourse bien remplie. Fais-lui avaler une petite dose de ce médicament pendant 15 jours dans de l'eau bien chaude. Elle ira mieux ensuite. La douleur sera toujours là, bien sûr, mais elle sera grandement atténuée. Je suis désolé, Meunier, mais il fallait réparer cette injustice. En en créant une autre, me répondit l'homme abattu. Gardez vos sols, Mire, nous n'en voulons point. Je baissai la tête. Certes, je rendais son enfant à sa vraie mère, mais oui, hélas, je brisais le cœur de celle qui l'avait élevé jusqu'à présent. Je n'étais pas fière, mais j'avais fait la promesse, je n'avais pas le choix. L'enfant sur le devant de mon cheval, je chevauchais plus lentement jusqu'à Orgès, où m'attendait sur le devant de la porte Clariane, avec tout l'espoir dans les yeux. Lorsqu'elle me vit de loin, elle se précipita pratiquement sous les sabots de ma monture, tellement elle mourait d'impatience de serrer son enfant sur son cœur brisé de mère. J'eus les larmes aux yeux devant cette toute jeune femme que l'enfant ne connaissait pas et qui la repoussa en hurlant qu'elle voulait retourner chez sa maman. Je descendis de cheval, pris la petite dans mes bras et calmement lui raconta l'histoire, en omettant toutefois le rôle de Phébus. Inutile qu'elle haïsse sa mère et son vrai père. Elle sembla comprendre, mais il lui faudrait du temps pour qu'elle s'habitue à sa véritable maman. Je fis le tour du village et distribuai des potions, quelques sols aux plus miséreux. Puis j'arrivai devant la petite hostellerie du village, la seule d'ailleurs. Elle suit le tavernier et vint à ma rencontre. C'était un beau gars d'une trentaine d'années au plus, mais il en paraissait un peu moins. Dans ce Moyen-Âge, la trentaine était déjà un âge avancé. Elle était en pleine forme, et je me doutais, rien qu'à ses regards insistants envers Clariane, que cette dernière lui plaisait beaucoup. Il n'était pas marié, et je savais qu'il l'avait espérée depuis son plus jeune temps. J'entrai, et il me servit une horrible piquette. Pourtant, c'était ce qu'il avait de meilleur. Nous parlâmes de choses et d'autres, et j'en vins à mettre le nom de la jeune femme dans notre conversation. J'ai ramené sa petite à Clariane, tu as vu? Oui, Mire, j'ai vu. C'est bien pour elle. Cependant, à présent que tu es en foi, qui va s'occuper d'elle? Eh bien, elle suit. Je me suis dit que. Enfin, tu es encore célibataire. Il faudrait que tu songes, avant qu'il ne soit trop tard, à prendre femme pour avoir un héritier. Sinon, à qui donc vas-tu céder ton auberge après ta mort? Il me regarda dubitatif. Je savais qu'il voyait où j'allais en venir, mais ma toi, il me laissa m'embourber tout seul. Je décidai de jouer franc jeu. Bon, tu aimes Clariane depuis tes 15 ans. Ne fais pas semblant de ne pas comprendre où je veux en venir. Elle a un enfant, et alors? Cela te dérange vraiment? Une erreur de jeunesse et même pas due à sa faute? Tu vas le lui reprocher toute ta vie? Tu vas la gâcher ainsi que la sienne, alors que vous pourriez être heureux? Je le voyais réfléchir à toute allure. Il savait que j'avais raison, il savait que c'était le moment ou jamais de se décider. Bien sûr qu'il hésitait. Après tout, lorsque la jeune femme enceinte était revenue au village, il n'avait pas voulu ni la voir, ni même la saluer, de peur du qu'en dira-t-on. Cependant, cela lui avait coûté, et il l'avait regretté plus d'une fois. À présent, une autre chance s'offrait à lui et il devrait la saisir, mais sans trop vouloir y tenir, pour ne pas que son orgueil de mâle en pâtisse. Il resta muet pendant 10 bonnes minutes que je passais à boire à regret cette boisson infecte. Puis, d'un seul coup, me faisant quasiment sursauter, il affirma: D'accord, je vais la marier, la Clariane, et vite. Ce fut tout. Avant de repartir pour le château, je discutais avec Clariane de l'accord que j'avais conclu avec Elsuit. Tu seras heureuse avec lui. Il t'aime depuis longtemps, bien que son orgueil l'empêche de l'avouer. Mais tu étais amoureuse de lui aussi alors. Désormais, ne gâche pas cette dernière chance d'être heureuse. Il est vrai que je partirai plus tranquille, sachant qu'un homme aimant va prendre soin de vous désormais. Elle m'embrassa comme un père et j'en conçus une grande satisfaction. J'avais réussi. J'avais sauvé sa vie, la vie de sa fille, de ma descendance. J'étais heureux, et que m'importait à présent le chemin que le destin voudrait me faire suivre?